Radar Nariel. Voilà, c'est ça. Ce qui pourrait expliquer qu'éventuellement, on a une structure de la matière du dit OVNI et que, bon, bah, ça ne corresponde pas à notre capacité de perception. Oui, alors, c'est très ennuyeux pour les ingénieurs, mais ce n'est pas ennuyeux nécessairement pour les physiciens. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis une des hypothèses sur lesquelles je me suis orienté, c'est est-ce que nous avons devant nous un phénomène qui est très précieux parce qu'il nous donne une information sur d'autres dimensions que les dimensions habituelles de l'espace-temps telles qu'on l'apprend à l'école. Et aujourd'hui, ça fait partie du principal courant de la physique, des recherches de la physique. On sait très bien en cosmologie qu'on ne peut pas expliquer l'univers avec quatre dimensions. Il faut aller au-delà, donc la théorie des corps, des théories qui dépassent, si vous voulez, les théories qu'on a apprises à l'école. Mais ça fait partie aujourd'hui, c'est pas du tout choquant pour les physiciens, mais c'est choquant pour les ingénieurs. Bien sûr, mais est-ce que... Et en particulier pour les ingénieurs, par exemple en France, sans être méchant, les ingénieurs militaires qui aujourd'hui cherchent de la bonne soucoupe en tôle et boulon et qui ne veulent surtout pas entendre... Il n'y a pas de boulon, il n'y a pas de soucoupe. Il y a peut-être des boulons et de la tôle, mais il y a autre chose. Ça ne marche pas simplement, c'est pas des super fusées. Mais on pourrait penser aussi, dans la logique de la physique quantique, tiens, je prends la place d'Alain Sirou d'un seul coup, qu'il y a une sorte de projection et que ce que nous percevions soit plus une image de quelque chose... se situant ailleurs. Est-ce que ça, c'est recevable? C'est recevable. On peut supposer, on a déjà dans notre arsenal des hologrammes qu'on peut projeter. Et ça, on l'a vu, ils sont utilisés à Hollywood, mais ils sont aussi utilisés dans la guerre psychologique. On peut projeter des images, on peut projeter des objets, mais ils ne seront pas matériels. Alors le problème, c'est, bon, ce serait une très bonne explication s'il n'y avait pas les traces matérielles. Malheureusement, on a les traces matérielles, on a les résidus d'échantillons, on a tout ça. D'accord. Alors, bon, malgré ces résidus, malgré toutes ces preuves tangibles, j'aimerais qu'on revienne au phénomène lié à la psyché pure. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces séances de spiritisme, qui souvent font jaillir la soucoupe. Même si on n'a eu qu'une seule, elle me plaît bien cette séance-là. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez fait allusion aussi à Fatima, vous avez fait allusion à ces hallucinations mystiques. Mais je me souviens d'avoir fait une émission, et ça apparaît très clairement dans votre livre « Science interdite », sur les lutins, sur les fées, et avec des témoignages remontant au Moyen-Âge de personnes, paysans, bontins, qui étaient là, qui disaient « Ah, mais moi j'ai été enlevé, il y a un petit lutin, etc. » Et c'était exactement les caractéristiques d'un témoignage d'une personne qui aujourd'hui sera enlevée par les ovnis. Écoutez, il y a un cas qui, m'a vraiment charmé et passionné, continue à me passionner, c'est l'archevêque Agobard. Au 9e siècle, l'archevêque de Lyon, qui s'appelait Agobard, c'était un homme absolument remarquable. Et il a écrit une série, il a écrit 22 livres, en latin bien sûr, sur les superstitions. C'était un sceptique, c'était un rationaliste, Agobard. Il écrivait des livres contre les superstitions de son époque. Et son argument, c'était, si les sorcières pouvaient changer le temps et faire des tempêtes pour détruire les moissons, etc., ça retirait quelque chose à la majesté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu seul contrôle les phénomènes atmosphériques, et s'il veut faire des tempêtes, il fait des tempêtes, mais les sorcières ne peuvent pas. Donc il luttait contre les superstitions de son époque. Et il dit dans un de ses livres qui s'appelle « De grandine et tonitruis », c'est-à-dire de la grêle et du tonnerre, justement sur les phénomènes aériens, qu'un jour, les braves gens de la région de Lyon lui ont amené quatre individus, trois hommes et une femme, enchaînés, qui étaient descendus d'un vaisseau aérien. Visiblement, les gens de cette région-là voyaient des vaisseaux qu'ils croyaient venir de la Magonie. La Magonie, c'était le pays magique au-dessus des nuages, entre nous et les étoiles. Et donc, ils parlent de Magonia. J'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Visa pour la Magonie », où j'ai commencé à reprendre ce genre de témoignages. Ça, c'est dans les archives de l'Église. Et il a prêché sur les marches de la cathédrale en leur disant que comme ces vaisseaux des nuages ne pouvaient pas exister, il fallait relâcher ces braves gens. Donc la population voulait les jeter dans le Rhône, voulait les enchaîner et les jeter dans le Rhône. Donc ça prouve que les sceptiques peuvent quand même servir à quelque chose. Donc qu'est-ce que c'était ces vaisseaux des nuages, hein? Alors les gens croyaient que c'était des sorciers qui venaient d'Italie pour détruire les moissons françaises. Des cas comme ça, quand on regarde, bien sûr il y a les contes de fées, mais quand on regarde derrière les contes de fées, quand on regarde le folklore celtique, le folklore de, on retrouve la robustesse de ce phénomène, de gens qui essayent de décrire. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, il y avait une censure. La censure, c'était la censure de l'Église. C'est-à-dire le paysan qui se trouvait devant une espèce de lumière lenticulaire avec des petits êtres qui l'emmenaient danser et qui perdaient une heure ou deux heures, etc., il ne pouvait pas raconter ça à son curé parce qu'à ce moment-là, on lui dirait qu'il avait vu le diable. Et que, bien sûr, ça, ça pouvait très mal finir. Donc ces histoires-là étaient censurées. Et là, je comprends que ça passionne les sociologues, parce que ces histoires-là sont ressorties par les contes de fées, les contes un petit peu amusants, quoi, un conte aux enfants, etc. Ça devient anodin. Mais derrière ça, il y avait une réalité. Et ce que je veux dire, c'est que... on la retrouve aujourd'hui. On la retrouve aujourd'hui. La censure aujourd'hui, c'est la science qui l'a fait. D'accord. C'est la science et les militaires qui censurent ces informations. Et le paysan qui trouve un truc dans son champ et qui va danser avec les petits êtres aujourd'hui, bah, ça ressort sous forme de bande dessinée, ça ressort sous forme de film. Mais la question à poser, ces paysans sous couvert d'une certaine poésie ne faisaient-ils pas rapport des phénomènes que nous vivons aujourd'hui? Alors, et qu'en réalité il y a une sorte de constante, mais alors là qui pose d'autres questions, parce que si depuis aussi longtemps nous sommes entourés d'extraterrestres qui n'évolueraient pas spécialement à ce moment-là, bien sûr. Pas forcément des extraterrestres. Oui, alors. Il y a peut-être d'autres formes de conscience. C'est là que je crois qu'il faut garder l'éventail des hypothèses complètement ouvert. Quand on en est à ce stade de la recherche, une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'enfermer dans des hypothèses. Ouais, c'est ça. Et ce que j'essaye de faire avec des collègues américains, avec des collègues français, c'est de démontrer qu'on peut faire de la science sur les observations sans présupposer d'une explication finale. Et l'erreur qu'on a faite depuis des années, c'est de dire, si les ovnis existent, ça doit être des extraterrestres, donc il faut sélectionner les données qui répondent à ça. Ça, c'est une erreur scientifique énorme. Je crois qu'il faut regarder les données, quelles qu'elles soient, y appliquer l'appareil de la science telle qu'elle est aujourd'hui, et ça, on peut le faire. On peut analyser les radars, on peut analyser les résidus, les échantillons, on peut analyser, par exemple, la puissance optique, on peut mesurer la puissance optique de ces objets sur la base des observations qui nous sont données par les témoins bien placés. Le GEPON a commencé à le faire, on le fait aux États-Unis maintenant, et on peut arriver à des données. Sur la base de ces données, on fera de la science plus tard. Alors, aux États-Unis, il y a, là encore, des faits bien troublants qui ne trouverait pas d'explication. J'aimerais qu'on feuillette le dossier en quelques instants. Et il s'agit de bétail. Oui. Alors, racontez-nous, parce que ça... J'étais un des premiers à publier des informations sur ce genre de cas. J'ai fait un certain nombre d'enquêtes moi-même sur le terrain que j'ai jamais publiées. La raison pour laquelle je les ai jamais publiées, c'est que je n'ai pas pu trouver un lien. C'est des observations où des ranchers, des propriétaires de ranch, des éleveurs de bétail, ont retrouvé leur bétail mutilé. Alors mutilation, bon, parce qu'il y a mutilation, on pourrait penser que ce soit le paysan d'à côté, le ranchman, qui est bon à se venger de je ne sais trop quoi, ou à porter tort à l'image de son camarade pour vendre plus cher son propre bétail, je ne sais rien. Donc quels sont les types de mutilations et en quoi sont-elles intéressantes? Très souvent, ça s'applique aux organes de la communication, aux organes sexuels, c'est-à-dire les yeux, les oreilles et les organes sexuels, parfois des organes internes. Et c'est fait d'une façon qui ne correspond pas à ce que feraient les prédateurs. Et souvent, sur les cas que j'ai étudiés, c'était sur des relativement petites propriétés où les animaux avaient été nourris la nuit précédente ou le soir précédent et étaient retrouvés au matin avant que des prédateurs, comme des coyotes, des serpents, des oiseaux, aient pu intervenir. Bon, mais ça pourrait être une intervention humaine. On en revient à la logique. Alors, je n'ai jamais pu trouver la preuve qu'il y avait un lien avec le phénomène OVNI. Mais c'est pas exclu. Il y a des cas. Mais par exemple, est-ce que l'incision, quand vous dites qu'il y a ablation des parties génitales, est-ce que c'est fait de telle sorte que l'on pourrait imaginer qu'un coup de bistouri d'une personne suffisamment adroite arrive à ce résultat, ou c'est Non, on pourrait trouver une. Je me souviens d'un cas que j'ai étudié où j'étais sur le terrain avec le rancher et avec le vétérinaire qui avait fait l'autopsie de l'animal. Et où j'ai dit au vétérinaire, bon, qui a fait ça? Qui aurait pu avoir la technique pour faire ce genre de choses? Et il m'a dit, c'est pas un vétérinaire, c'est un chirurgien. Bon, on peut imaginer que ce soit une intervention humaine, mais alors pourquoi Il n'y a pas de revendication, il y a rien du tout. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas publié, si vous voulez, je ne me suis pas engagé dans ce genre de recherche. D'abord parce que c'est pas dans mon domaine de compétence, hein, il faut vraiment que ce soit fait par des vétérinaires, par des professionnels. Et puis surtout, j'ai pas pu faire le lien avec des observations d'ovnis au même moment, au même endroit. Alors le lien, le faites-vous lorsque vous retrouvez face à une personne qui a des brûlures ou des cicatrices, comme vous l'avez évoqué dans l'une des parties de notre émission, et puis le temps, car il semblerait bien qu'il y ait comme une perte de temps ou de dilatation du temps dans la vie des personnes qui vivent le phénomène. Alors, dans les rencontres rapprochées, il y a un certain nombre d'effets sur la conscience. D'abord une désorientation, par exemple il y a des gens qui vous disent j'ai repris ma voiture et je suis parti vers le nord, et vous les amenez sur le terrain et ils vous montrent de quelle direction ils sont partis vers le sud. Donc ils étaient désorientés, il y a souvent une perte de temps, qu'on retrouve d'ailleurs dans les contes de fées. Hein, on danse avec les fées et puis on essaye de revenir au village et puis on ne reconnaît plus personne. Et puis il y a un vieux monsieur qui dit « Ah, vous devez être le fils de machin, le fils de McDonald qui a disparu en 1825, etc. » Et donc il y a déjà cette idée de la relativité du temps dans les contes de fées. Et, alors est-ce que ça pourrait sous-entendre que l'on fasse des sortes de bons qu'on pourrait peut-être appeler quantiques et qui nous rendent le temps non plus référent, mais que l'on puisse avoir ces projections qui nous valent d'être au XIVe siècle, et puis même, pourquoi pas, en 2392. C'est pas exclu, mais je pense que la solution de tous ces phénomènes ne viendra pas, en fait, de l'ufologie. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette étude du phénomène, c'est essayer de garder les données pour les mettre à la disposition des physiciens qui viendront plus tard. La physique est en pleine révolution aujourd'hui, hein, elle est en révolution constante, la cosmologie est en révolution constante. On va vers des grandes interrogations sur la nature du temps, la nature de la réalité, la nature des dimensions, enfin, même l'idée de dimension. Il n'est pas évident que l'univers a des dimensions, on peut imaginer que l'univers n'ait pas de dimension. On peut refaire toute la physique sans dimension. Et c'est de là que viendra, un jour ou l'autre, je crois que la physique rencontrera ce genre de phénomène, et à ce moment-là, on aura besoin de nos données. Et je crois que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est faire un bon boulot sur les données de base et puis les mettre à la disposition de ces gens-là quand ils viendront. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec la séance de spiritisme. En général, le spirit, il espère entrer en contact avec des esprits. Mais donc là, c'est l'idée du mort, de l'éclairage venu de ceux qui cherchent à nous porter la parole, à nous rassurer sur notre devenir. Est-ce que dans cette logique-là, on n'est pas là dans un phénomène paranormal, mais avec une autre sensibilité d'expression? Est-ce qu'il arrive souvent qu'éventuellement des spirites disent « j'ai eu des informations, tels ces deux techniciens qui se placent au sommet d'une colline pour rencontrer une soucoupe », est-ce que les informations qu'ils avaient eues, c'était de cette manière-là? Alors, la conscience humaine, c'est quelque chose qu'on cerne mal. Hein. Il y a des théories aujourd'hui sur la conscience. Le fait que la conscience soit liée à un cerveau, c'est-à-dire à une expression de la chair, hein, des neurones, etc., c'est une hypothèse. Il n'est pas évident que la conscience, il y a des gens qui se posent des questions en informatique, par exemple, sur peut-on créer une machine qui sera consciente d'elle-même. Est-ce que la conscience est nécessairement liée à une structure physique, ou est-ce qu'elle peut dépasser la structure physique? La question est ouverte, hein, en science aujourd'hui. La question est ouverte quand on regarde ce genre de phénomène. Et quel est le cas qui vous est le plus perturbé? Là où vous êtes dit, il y a des enseignements à prendre, et qu'ils soient des enseignements totalement imprévisibles dans notre structure mentale actuelle. Il y en a plusieurs. Le cas qui continue à m'interroger beaucoup, oui. C'est un cas qui est bien connu en France, c'est le cas de Valenciennes en 1965, où un exploitant agricole de la région de Valenciennes qui s'appelait Maurice Mass a vu un objet. C'était le matin, il arrivait dans son champ, il a vu cet objet, il a cru que c'était une espèce d'hélicoptère ou d'avion. Il s'en est approché, il y avait deux êtres près de l'objet. Il a été paralysé, il est resté paralysé pendant 20 minutes après le départ de l'objet. L'objet a décollé en laissant des traces qui sont indubitables, qui ont été analysées par cinq services différents du gouvernement français. La police de l'air, la gendarmerie, les services, la DST, etc., et les douanes. les douanes pensaient que c'était peut-être un hélicoptère qui faisait la contrebande d'or avec la Suisse ou des trucs comme ça. Ils sont tous arrivés à la même conclusion qu'il y avait quelque chose de matériel qui s'était passé, parce qu'il y avait des traces inexplicables que M. Mas n'avait pas pu créer lui-même. Lui a été profondément bouleversé, bien entendu, par la chose, par cette paralysie. Et on a refait une partie de l'enquête avec des amis en France. On a rencontré à nouveau Maurice Mas plusieurs années après. Je sais que Pierre Guérin a fait une enquête sur la chose. Il n'y a absolument aucun doute qu'il y avait un phénomène physique, mais il y a aussi une composante d'effet sur la conscience. Et quand on regarde bien les observations dans la région, il y a eu un certain nombre d'observations au même moment. D'abord, Mas a fait une autre observation dont on n'a jamais parlé. Et d'autres personnes dans la localité ont aussi fait des observations qui sont restées inexpliquées. Moi, ça continue de m'interroger beaucoup. Alors, est-ce qu'on est sujet, comme certains seraient sujets aux hallucinations, aux rencontres, entre guillemets, avec ce type d'objet et donc avec les extraterrestres? Est-ce que quand on y a une sensibilisation... Alors, je vous arrête sur le mot extraterrestre. Arrêtez-moi. Parce que le fait qu'il y ait des ovnis, qu'il y ait une forme de conscience associée à l'ovni, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des extraterrestres. Nous sommes d'accord. Et mais il y a ceux qui disent... même panneau que les spirites qui disent, puisqu'il y a un phénomène spirite, c'est les morts. Bien sûr. Bon, c'est la tante Marthe qui revient du 19e siècle pour nous raconter des trucs. Le fait qu'il y ait un phénomène, ça ne veut pas dire que... D'ailleurs, le phénomène peut lui-même nous tromper, ou on peut se tromper nous-mêmes. Bien sûr, quand j'ai dit cela, j'adhère à l'enquête telle que vous la menez, simplement, c'est que ceux qui disent « j'ai rencontré un humanoïde, j'ai rencontré des personnages », là aussi, quand on regarde ce qui est formulé, est-ce qu'il y a une cohérence, quelque chose de recevable, est-ce qu'il y aurait une sorte de portrait robot d'un extraterrestre potentiel? Alors, le cinéma nous a beaucoup influencé là-dessus. Aujourd'hui, oui, il y a un portrait robot. En 1954, il n'y avait pas de portrait robot. Il y a en fait, d'une culture à l'autre, des grandes différences sur le type d'être qui est décrit. Ça, c'est certain qu'il n'y a pas un seul type d'être décrit auprès de ces objets. Le problème, c'est, et ça j'en discutais souvent avec Aimé Michel. Aimé Michel me disait, écoute, on se trouve devant un phénomène qui contrôle la réalité du témoin. Donc le problème, c'est que le témoin nous raconte un truc auquel on ne peut pas croire parce qu'il faisait partie du phénomène à ce moment-là. C'est-à-dire le témoin vraiment rapproché. On se trouve un petit peu, si vous voulez, l'analogie qui me plaît beaucoup, c'est le cinéma. Si vous interrogez, vous voyez 100 personnes qui sortent d'un cinéma, vous leur demandez ce qu'ils ont vu, ils ont vu Godzilla. Bon, ils sont tous d'accord sur l'existence de Godzilla. En fait, le Godzilla en question, c'était juste une projection sur un écran. La vraie technologie, elle était derrière eux, c'était le projecteur. Moi, je veux rencontrer le projectionniste. Eh bien, écoutez, on vous suivra dans vos évolutions. Merci d'avoir eu la gentillesse de faire ce détour en notre compagnie. Jacques Vallée, alors scientifique français, et puis ce livre, si vous avez envie de partager en quelque sorte une connivence avec Jacques Vallée, une longue connivence de 1957 à 1969, son journal intime, tout intime, parce que de temps en temps, il a la coquetterie de nous offrir un détour par ses amours. Ça s'appelle Science Interdite, c'est aux éditions OP. Et voilà, c'est dit. Il y aura également un long papier sur Jacques Vallée dans le journal de l'association Onde. Merci beaucoup. Merci. Et puis, si de temps en temps vous avez un phénomène qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil des États-Unis. Vous aussi, si vous rencontrez un humanoïde, appelez-moi. Parfait. Merci Jacques Vallée.